Le jeudi 10 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le gouvernement de Philippe Couillard a adopté ce matin à l'Assemblée nationale le projet de loi 70 sur l'aide sociale. La loi stipule que les nouveaux demandeurs aptes au travail doivent se soumettre à un programme d'employabilité. Ceux qui refusent de suivre le programme s'exposent à des pénalités financières. Le projet de loi avait suscité l'indignation du Parti québécois, de Québec solidaire, du milieu communautaire et de plusieurs universitaires également. Les opposants craignent que des assistés sociaux ne se retrouvent dans une situation de précarité extrême. La Maison Lobrivière lance aujourd'hui sa campagne annuelle de financement. Celle-ci s'étirera sur 3 mois. Le maire Régis Labeaume et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix sont sur place pour lancer la collecte de fonds. Il s'agit de la principale source de financement de l'organisme qui sert chaque année quelques 150 000 repas en plus d'accueillir pour la nuit des centaines d'itinérants. L'Université Laval renforce ses mesures de sécurité. 3 semaines après les intrusions et les agressions survenues au pavillon Alphonse Marie Parent, l'Université Laval a choisi de doter ses 4 résidences d'interphones et de cartes magnétiques. Les nouvelles mesures devraient faciliter l'accès au bâtiment pour les résidents. Un grave accident de travail est survenu ce matin dans une boucherie de Lévis, dans le secteur Saint-Nicolas. Un jeune travailleur de 18 ans s'est coincé la tête dans le hachoir à viande. L'homme était conscient lors de son transport en ambulance. La police est sur place et débute son enquête. La Commission des normes du travail et le MAPAC sont aussi attendus sur les lieux. Scène internationale, enfin, le président désigné des États-Unis, Donald Trump, est arrivé à la Maison-Blanche pour rencontrer le président sortant, Barack Obama. Les deux hommes devront mettre de côté leurs nombreux différends afin d'assurer une transition qui soit la plus harmonieuse possible. Rappelons que c'est le 20 janvier prochain que Donald Trump sera officiellement investi 45e président des États-Unis. À la météo aujourd'hui, on a 4 degrés présentement et c'est généralement nuageux. Il fera 7 degrés cet après-midi et ce sera tout aussi nuageux. Des averses ce soir avec un maximum de 6 degrés cette nuit. Demain, la température est à la baisse. On parle d'un maximum de 3 degrés demain vendredi avec un ciel généralement nuageux. Alternance de soleil et de nuages samedi également avec 3 degrés. Dimanche, c'est 9 degrés avec 30% de probabilité d'averses. Vous écoutez CKRL 89.1.